direct sur un scaphandrier. Nous direct on cherche le sens. Et ouais c'est ce qu'on fait avant de rimer. Sur rap il est clair cousin, je le fais avec proto Chrysler. Pour créer la Dream Team on m'a dit Sopic c'est pas toi qui sors. T'as fini d'homme jusqu'à Longino, tu me suis wesh. Lâche moi tu me lèches, hey, lâche moi. Tu dis comme lâche moi. Mes plaisirs frelons GTA toujours hal. Quand ça parle rap j'oublie pas mon sens scrupule. Sopic S4 reste inséparable. Vers chez toi, trop de mes lyrics barotes. Dans le rap je me dois de mettre la barre haute. Ici on carbure, ni à la momo ni au jeton casse. T'as PG la dalle, vas-y lâche ton gars. Du 9 en 7, 7, 5, tu sais que c'est sec. Impossible, zigzag, la street à la jet 7. Tu veux l'oseille, c'est soit le charbon ou la main nue. Tu veux le respect, arme-toi ou putain mec à main nue. Plus y'a de Kaira, et plus les flics ont besoin de renfort. Plus y'a de jaloux, et plus ça me rend fort. Ok, ok, la 7-6 croque meurtre, souffle, souffle. OCP, Gabi Wad, ouais, ouais, ouais. Génération sans scrupules, incitation et insulte. Taille pour les têtes brûlées. Sous GTA, la concurrence va s'écrouler. Sopic m'appelle, okay. Même si je coupe la corde, ta descente en rappel. C'est du lourd, on pointe quand on t'a fait tes trapèzes. 77 bars, c'est la foire des crevards qui sort de nulle part. La peau bien foncée, gangster depuis le berceau. J'pèse mes mots négro en 43 dans mon landau. J'écris des textes bruts, armés de la rue et du dictionnaire. Pour le pilon dans le texte, on n'est plus de 10 actionnaires. Je peux pas me laisser faire vu que j'ai un forfait itinériste. Si tu veux Aja, t'as qu'à suivre mon itinéraire. J'ai pas d'affaire avec les beaux schnecks du damier. T'as oublié que j'm'appelle Gabi Arafat et pas Damien. C'est du rap CFA en bac pro criminologie. 7791 dans ce cas, dans le crime logique. Trop guetter la chance qui a fugué. Mais je suis allé même que la hack ma poteau. J'ai encore ma langue. Le moral au plus mal. Je passe souvent l'esprit lunaire. Au quotidien écrit, j'ai le rap du pouce à l'auriculaire. J'ai ma raison en psychiatrie. Des petites putes et gâteries. Entre parano, entre neurones, suicidaires ou plus de batterie. J'oubliable, j'étais ACM avec qui j'ai plongé dans le rap. Pris perpète à écrire, à m'épuiser. Violence, tous les jeunes t'aiment tous. T'aiment te faire la cour et par ta faute. À la fin, c'est du sang qui tousse. Y'en a pas deux comme toi, des contre toi. Tu nous séduis, tu nous fais tourner la tête. Pour toi, plus d'un s'est tué. Violence, toute seule, tu t'es propagé. Pour flirter avec toi, on sait tous qu'on n'est jamais trop âgé. T'es toujours là quand on s'y attend pas. Et tu te fais un plaisir de la ramener quand entre amis on s'entend pas. Tu prends ton gap quand on fait trop le con. Tu nous mènes tous par le bout du nez, on se rend compte que c'est toi qui trop le con. Démocrate, démocrate, box one, box. Et c'est qui moi, c'est qui ça. Pour rappeler les gars. Mixtape. Donne-moi une feuille, un stylo, que je déboule en freestyle en mode Attila. Dealer qui cercle les beats, on a coutume de les mutiler, futiler. Je donne ça méchamment comme un génocide, c'est nocif. Y'a qu'avec les vrais que je négocie, je suis crié. Elle boite c'est les RN, ça saute les grillages. Pélec à la scénique, la tête en mode quadrillage. Destin de filet, en gros négro, accro des femelles. En bionivant filange, mais compte baiser la France au final. Quartier nord, des pulsions dans les corps. Des mecs gore qui luttent fort pour construire un château fort. Dans ma tête, on s'efforce à vivre au pas. Pendant que la France en état nous considère comme des impas. Comme des gars, des sales gars, des bons à rien. Si ça continue, on va tirer dans le tas. Au CP, LAMS qui sert, on a le faux qui te sert. Depuis le CP, des rimes, on en a viscère. On avance dans le blizzard, ici c'est le soir tard qu'on repère. On opère pour se sortir de la misère. 160, yeah, écoute ça. Spike au mic, freestyle, SHENO, les gars, DB Prod. Mes textes pullent dehors, peut-être parce que j'écris dès que je rentre. Tout comme Snake, c'était à m'empêche de construire mes rentes. Quartier Nord, tu veux nous déstabiliser, bah vas-y tente. Dans ce couplet, c'est avec mon stabilo que je te plante. Prends ta gueule, mon rap sans fric. On laisse les meufs en cloque, applaudis quand mes rimes claquent. Dans mon crew, pas de philosophe. On n'est pas des chiens, si tu veux voir des animaux, bah philoso. Ouais, c'est Fred, c'est MDB. C'est comme ses premiers pas sur le bitume. Ses premiers pétards que tu fumes. Comme ses premiers regards, ses premières pétards. Les courses dans les halls, rire, c'est paintball. En fait, ah, j'oubliais. Tu sommes du Claude François pour attirer la foule. Attends un peu, foule pas. Ouais, je te fais mal, le pourra tu le fais mal. Ça vient de la rue, trou du cul. Et pas en entre Duc MC. Prépare tes bagages, j'ai le bac de la rage. $5 building 1. Sim Jean Art Bim Bim 1. Qui sert Oscar 1. Mixtape MZF Ma vie, si je veux la consumer, mon pote, faut que je fasse un deux spi. Alors j'évite les bêtises et j'ai ralenti la DSP. Dis frère, fais gaffe, faudrait pas croire à tout ce qu'on dit. J'en condis et je pense pas que la prison aspire au respect. J'ai ma place pépère, je craie et les gens voudraient tester. Désormais, j'attends de faire maintenant. Préparez votre testament dans ce bitch, j'avance ZF. En quoi dit Greg ZF qui s'est fait péter le moteur de Long Beach à MZF. En 2005, l'activité est en bémol. L'argent est mort, prêt à t'irriter dans des modes. On fente les doigts, tout en rêvant dans les trucs. On se purifie dans la foi pour devenir dans les temps. C'est pas gagné, tant que l'État n'acceptera pas mes bas années. Pour mes gars égarés, je serai toujours là pour me bagarrer. Anti-flic, pack, stup, pour moi ça reste des salopes. J'ai l'appétit d'un homme, leur poulailler, j'en fais une escalope. Check elle a sur le beat, poteau. Check elle a sur le beat, place tes bères, cousin. La clé pose là, histoire de tous ces cas. Sur ma feuille, mon bic s'affole. Mon quartier c'est la faune, ma bite s'affole. Et l'état se fait en raffole. Bellec au rafale, le microphone sa femme. La clé connue pour ses rodkas et toutes ses failles. Quartier sud et nord, à fond dans le rap jusqu'à la mort. Décidément, les faux MC sont ceux à qui les idées manquent. Ouais.